Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que Moscou répondrait aux récentes attaques de drones contre le Kremlin par des actions concrètes lors d'une conférence de presse à l'issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de coopération de Shanghai. C'était un acte hostile. Il est tout à fait clair que les terroristes de Kiev n'auraient pas pu le commettre à l'insu de leur maître. Nous ne répondrons pas en disant qu'il s'agissait ou non d'un casus belli, des actions concrètes, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères. Le diplomate a ajouté que ses collègues de l'OCS ont également exprimé leur point de vue sur l'incident. Presque tous mes interlocuteurs avec qui nous avons parlé hier ont exprimé leur condamnation, en particulier le ministre pakistanais des Affaires étrangères. Il a directement condamné l'acte terroriste et a exprimé son espoir que la vérité soit établie et les coupables identifiés dès que possible. Il a également déclaré que l'OCS discutait de l'augmentation de l'utilisation des monnaies nationales dans les règlements entre les membres de l'organisation. Plusieurs ministères concernés, ministère des Finances et Banque centrale, envisagent actuellement cette possibilité. Le travail se poursuit, rien ne l'arrête, a déclaré M. Lavrov. Le service de presse du président russe a affirmé mercredi que deux drones ukrainiens avaient tenté d'attaquer le Kremlin de Moscou dans la nuit mais avaient été désactivés par l'utilisation de systèmes de contrôle radar. Le Kremlin a accusé Kiev d'actions terroristes planifiées et d'attentats à la vie du président et a précisé que le chef de l'État n'avait pas été blessé et avait continué à travailler comme d'habitude. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a nié que l'attaque ait été organisée par Kiev lors d'une conférence de presse conjointe avec les chefs de gouvernement des pays nordiques. « Nous n'attaquons pas Poutine ou Moscou, nous combattons sur notre territoire, nous défendons nos villages et nos villes. Nous n'avons pas assez d'armes pour ces tâches, donc nous ne les gaspillons pas ailleurs », a affirmé le dirigeant ukrainien. Afrique Média, le monde, c'est nous.